Si vous avez un portable, jetez-le. J'ai le top pour vous qui arrive sur Europe 2 et un max de tubes, No Dope, Terra Dot et de Palmas. Europe 2. Times when I want something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete. But you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. And you're really love. But lately you've been trying real hard and giving me your best. And you give me the most gorgeous sleep that I've ever had. And when it's really bad, I guess it's not that bad. Forgiveness, I guess, is meant to be. dying to get high. Two of a kind, it's our hands tonight. Sometimes in life you feel the fight is over. Un max de tube. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. The sun is shining like you knew it would. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could. Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. In the air in Hollywood. I've lost my reputation, bad and good. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Check it out. This bird is flown. Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Un max de tube sur Orbe de Madonna et Hollywood. Maintenant, le 0-897-66-2002. Eh ouais, retenez bien cette formule magique, Sagem My X5M Rip Curl. Grâce à elle, vous allez vous retrouver devant un écran couleur. Vous allez pouvoir envoyer des SMS, des MMS, avoir des sonneries avec un son hi-fi et vous la péter tout l'été grâce à la Surf Attitude. Non, là, je crois qu'il n'y a pas de doute. Hein. C'est maintenant qu'il faut tenter le Winneries. Europe 2 et les clubs Bouygues Télécom vous filent la totale. Et c'est dans ces cas-là qu'on regrette de ne pas avoir noté le numéro de tel. Allez, double effet qui se coule. 0-897-66-2002. Et avant la nuit, un max de tubes sur Europe 2, Nada Surf et la sexy lady de Shaggy. Lâchez le tigre qui est en vous. Il voulait être star du cinéma, mais le destin en a décidé autrement. Il est le gourou du sexe, de la jet set. Je suis une bête. Le gourou et les femmes, la comédie mégazène qui pimentera votre vie sexuelle. Me lance dans le métier de gourou. Le gourou et les femmes, en VHS et DVD avec Europe 2 et MCM. Joli. Leclerc. Au niveau c'était caché, t'es tombé amoureux de la vache? Mathilde, tu vas me faire le plaisir de manger un peu de viande rouge, t'es toute pâle en ce moment. Ça n'a rien à voir, les femmes enceintes évitent le soleil. Ah bon, pourquoi? Parce que si t'étais dans mon état, tu verrais qu'il fait très chaud. Je ne peux pas être dans ton état. Du 23 juillet au 2 août, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 8 steaks hachés de 100 grammes pur bœuf Valtero, origine France, 15% de matière grasse, sont à 3,96€, soit 4,95€ le kilo, avec en plus 40 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ah mais tu parles parfaitement le steak. À Hawaï, on dit que chacun a une vague qui lui est destinée. À Hawaï, on dit que la peur, c'est pour ceux qui ne surfent pas. Blue Crush. 10 mètres de haut, 60 tonnes de pression. Préparez-vous au crush. Blue Crush. Des sensations à couper le souffle. Actuellement au cinéma. Si t'en peux plus de ça. Si tu crois que tu m'aimes, ne me laisse pas souffrir. Frire, frire. Écoute plutôt Audiobully. Audiobullies, le single ou l'album au rayon électro à la lettre A. Comme Audiobullies. Just a simple girl in a high-tech digital world. Really trying to understand all about the rules. Same as Jay's big brother's boss. Kate Moss can't find a job in a world of postmodern fad. What was good now is bad. It's not hard to understand. Just follow the simple plan. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind. You're not quite sure. Am I it or could you get more? You learn cool from magazines. You learn love from Charlie Sheen. If you want me, let me know. I promise I won't say no. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind, your intuition. Europe 2. Maintenant sur Europe 2. Tu vas te taper 30 minutes de tube. De tube. Et autant bien commencer avec Nada Surf, l'aventurier et Shaggy et Sexy Lady. Europe 2. Le vrai héros de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Europe 2. Pull it on me. Brian and Tony, go let the ladies know. They got it going on. Shug it. Hey, sexy lady. Ballin', got me crawling up the wall, and my size ain't small or tall, and catch a glimpse her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard gang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, I'll be here. Your body's banging. Yeah, out of control. I've been chewing. Hers for the choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like your flow. Your body's banging. Sexy lady. Sweet and nice. You got that feeling, that hourglass shape, girl. Wow. Hey, sexy lady, you go fly, drive me crazy, you ring on and on and on. Hey, sexy lady, you go fly, drive me crazy, you ring on and on and on. Got extra sexy like me, and you make me wanna say hi. You shake, you shake it down low. Girl, you wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, girl, you wiggly, jiggly and oh. And you wicked to rock it now. Yeah. Hey, sexy lady, I like your flow. What up? Your body's banging out of control. See, like, I'm banging, yeah. Moist. Keeps it all from being clear. I wanna read. Max de Tube qui arrive sur Europe 2, il y aura Beyoncé. Winner is. Eh ouais, tout de suite, le winner is sur Europe 2, c'est normal, j'ai plein de choses à vous offrir. Un Sagem, My X5, M Rip Curl, et pour tenter le coup, c'est Christophe qui s'y colle. Salut Christophe. Salut Sébastien, comment va? Ouais, ça va, je viens de courir dans les couloirs. Si tu savais, les problèmes informatiques, des fois, ça t'énerve. Ah là là, c'est une catastrophe. Moi, je suis fatigué, il faudrait presque que tu parles à ma place, mon ami. Y a pas de problème, donc bon. On va. Christophe, dis-moi, tu vas faire quoi, toi, pendant l'été, pendant ces vacances? Je vais partir en Angleterre, figure-toi. Wow, et tu pars quand? Je pars le 10 août, avec ma petite chérie. Ah, avec ta petite chérie, c'est dommage parce que les Anglaises, en général, elles aiment bien les petits Français. Bah, c'est pas grave, mais quand t'aimes, c'est pour la vie, donc bah, t'y vas? Ouais, d'accord. Nos problèmes, j'y vais. Quand je l'aime, je vais aimer pour la vie les Anglaises. Bon, mon ami Christophe, avec Europe 2 et Bouygues Télécom, je peux te filer de quoi avoir la surf attitude avec mon portable. Grâce à sa coque Rip Curl, c'est le coffret Sagem My X5 M Rip Curl. Tu vas pouvoir phoner, envoyer des smus, des MMS, profiter de l'écran couleur et des super sonneries. Il y a aussi une carte nomade de 35 minutes, c'est la totale pour toi. Si dans le Winner Is, tu entends Sagem My X5 Rip Curl, tu lances le Winner Is, bah, tout bientôt quand tu veux. Ok, ben bah, top. Sagem My X5 Rip Curl. Yeah. Eh ben voilà, j'ai beau être essoufflé, t'as gagné quand même. Ah, super, merci, merci Europe 2, merci Bouygues Télécom, et je suis hyper content quoi. Eh ben voilà, toi la totale avec Europe 2, les clubs Bouygues Télécom, ton Sagem My X5 M Rip Curl, il y a le coffret, il y a tout qui va bien, c'est chez toi dans quelques jours mon ami. Super, merci bien et bonnes vacances. Eh ben oui, nickel, à bientôt l'ami. À plus, bye bye, ciao. Ciao, et tant qu'à faire, on t'a recommencé ce soir dès 22h chez Bart. Et à Max de Tube, c'est sur Europe 2 maintenant, Beyoncé avec Crazy in Love. Il y aura aussi Axel Bauer et Zazie à ma place sur Europe 2. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Fit his shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart feels when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do it, no one else can. Right now. Europe 2. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Ça ne change rien, j'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'il respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'ombre. Yeah. that you're happy now. Yeah, yeah. Come on, son portable Sagem il y a quelques minutes, et avec Europe 2 la grande distribution continue. Cet après-midi vous allez pouvoir vous coller la tête sous l'eau en écoutant Europe 2. Ce ne sera pas grâce à un gadget électronique à la Super Jenny inséré dans votre cerveau, non non, ce sera grâce à un super tuba. Et ouais, sous l'eau, tant que ce ne soit pas grâce à un barbec, hein. C'est l'Aqua FM qui vaut 169 €. C'est le premier tuba avec tuner intégré et je vous conseille de ne pas le louper tout à l'heure. Avant midi sur Europe 2, un max de tubes. Craig David avec Sing, Rise and Fall et Florent Pagny.

6 Zoomer. Du 16 juillet au 31 août 2003, Sagem recherche 6 Mic 6 Zoomer, les meilleurs représentants du Mic 6, le mobile Sagem avec appareil photo numérique intégré. Leur mission, s'envoler pour Saint-Domingue et partager 6 jours de reportage photo inoubliables. Le défi vous séduit? Participez au casting Mic 6 Zoomer en envoyant la photo de vous la plus insolite, drôle ou extrême. 6 d'entre vous seront sélectionnés par notre jury. Bonne chance à tous. Mic 6 de Sagem, le meilleur de la technologie, enfin accessible à tous. Concours sans obligation d'achat, bulletin à retirer auprès des revendeurs Sagem participants. Plus d'infos sur sagem.com. Si t'en peux plus de ça. Yo yo, assis devant la TC, tu te grattes les cailles en attendant la racaille. Oh oh. Écoute plutôt Audio Bully. Audiobulise, le single ou l'album au rayon électro à la lettre A. Comme Audiobulise. Bonjour monsieur, dame, on vient d'arriver là, vous pensez qu'il va faire beau? Oh là, ben voyez, ça fait 3 jours que la brunette l'a pas fait. Et en plus le noir ou la pommeau, ça fait bien 2 semaines. Ben, et alors? Avec la chaîne Météo, consultez la météo de vos vacances. Appelez le 3200 et dites Météo. 3200 Météo. 78 centimes d'euros par appel, puis 11 centimes d'euros par minute. Europe 2, un max de live avec les Chihuahua Night Party. Retrouve DJ Bobo en tournée dans le sud de la France à partir du 10 août. Location point de vente habituel et europe2.fr. DJ Bobo en concert à un max de Chihuahua. Dans ce monde. Je prendrai tout dans ce monde, avec les interdits, je ne perdrai plus une seconde. Jusqu'au bout de ma vie, je ferai tout pour que ce monde n'ait plus de secrets pour mes envies. Oh. Je m'envole vers une autre vie, sans rien écouter. Je marcherai comme sur un fil sans parler. Je m'envole. Notre histoire, sans rien effacer, je veux garder l'espoir. Plus rien comme avant, je ressens. Et maintenant, je marcherai vers l'océan, l'air indécent. Je prendrai tout dans ce monde, avec les interdits, je ne perdrai plus une seconde. Au bout de ma vie, je ferai tout pour que ce monde n'ait plus de secrets. Europe 2. Maintenant, Europe 2, 30 minutes de tube. Eh oui, c'est bien ici, un max de tube sur Europe 2 avec Anne Evanescence, Bring Me To Life, à ne pas louper en concert au mois d'octobre avec Europe 2 à Paris. Ce sera un événement, ça a de la rentrée. Et aussi Audio Belize sur Europe 2. You can just leave me. it in my head. It won't go away now. It up to you and I would be lying to play a game with you, so I just keep walking, not thinking it all through or even talking to people about you. Got this feeling in my head, it won't go away now. Got this feeling. Crust, steel to rust, shoot to must, skin to dust, gas to fire, phone to wire, play to hire, name to flyer, head to hat, tape to that, tail to cat, snail to splat, red to pink, play to sink, smell to stink, edge to brink, paint to walls, shops to malls, tops to tools, cops to calls, stop to out, puff to pout, in to out, rain to drought, shout to scream, sleep to dream, split to seam, or two on me. Got this feeling in my head, it won't go away now. Got this feeling in my bed, when I start the day now. Got this feeling in my head, it won't go away now. Got this feeling. Bye. parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Nous portera avec Noir Désir sur Europe 2 et tant qu'à faire, il va aussi nous apporter des nuages un petit peu partout aujourd'hui. Vu qu'ils sont vachement potes avec la pluie, il y en a qui vont se faire mouiller et autant l'être en se baignant dans une eau à 19 degrés à Boulogne-sur-Mer, 19 à Granville, 22 à Carcamplage et Mimistan et 25 degrés dans les vagues de Saint-Raphaël. Voici deux jolies filles revenues des années 80 et qu'on aimerait bien voir encore en maillot de bain, c'est Nena et Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime sur Europe 2. Together. I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship. And I won't. Above my door, I'm in love and always will be. Max de Dieu, Max de Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux. Pour aller gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes rêvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on n'est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu. Encore un jour se lève sur la planète France, mais j'ai... j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore, elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister, qui sait. On ferme les yeux, on vivra vieux. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous. Puisque des hommes rêvent sous les ponts, puisque ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous. Comme des fous. France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Europe 2. Europe 2. Well done, it's all about the soca. Indeed, make Rastaman seek, search, find and proceed. Sweet soca music. Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast, some just can't believe. A soca leave England start grieve again. Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. Selling out fast, some just can't believe. A soca leave Trinidad start grieve. The girls and them want to get hype enough. Wave up them flag in the air whole night, you know. Free up them body and do the things that them like, you know. Bend forward, well she a wine whole night, you know. Raise up she head and see where need a sunlight, you know. Me a drink me grima, she a drink pure Sprite, you know. So well I mean she love, and a soca she like, you know. Don't want no fussing and fighting, you know. Sweet soca music tonight, you know. Sweet soca, what she love and what she need. Sweet soca, what the young girl need. Sweet soca, what she love and what she need. Sweet soca, what the young girl need. Come wave your flags up in the air, come wave your rats up in the air. Come wave your flag, come wave your rats, she need that mad. Come wave your flags up in the air, come wave your rats up in the air. Come wave your flag, come wave your rats, to be go bad again. Soca, what we love and we need. Sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast and we just can't believe. A soca leave England start unique. Some white can't keep in time. She asked Ragamuffin, well humble and kind. Farm one line and come behind. Me said the way you move your body, girl, move your waistline. To the sweet soca music, girl, you look fine. Wave your flag up in the air one more time. Make me kill you with the wine, kill you with wine again. Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. Selling out fast, I'm just can't believe. A soca leave England start dream again. Soca what we love and we need. She love and what she need. Sweet soca, what the young girl need. Sweet soca, what she love and what she need. Sweet soca, what the young girl need. Soca, what we love and we need. Sweet soca is what the whole world need. Selling out fast, I'm just can't believe. A soca leave England start dream again. Soca, what we love and we need. Sweet soca is what the whole world need. Selling out fast, I'm just can't believe. A soca leave England start dream again. C'est le son de l'été sur Europe 2, Chuck Alady avec Sweet Soca Music. Eh oui, je sais, il y a votre pote qui n'arrête pas de vous narguer avec son téléphone portable tout neuf. Et vas-y donc, il est super léger et qu'il a l'écran couleur. Avec Europe 2 et les clubs Bouygues Télécom, vous allez vous faire beaucoup mieux. Et là, je peux vous dire que votre poteau, il va prendre un gros marteau pour éclater son fun tout moche. Après 11h, je peux vous filer le coffret Sagem My X5M Rip Curl. Il fait tout, même le look surfeur qui déchire, comme le son d'Europe 2. Dans les 10 minutes, je vous ai sélectionné Placebo, The Beach End et Vénus. Pas écouté le taulier la dernière fois. C'est pas bien. C'est pour bien. T'as encore loupé ces trucs. J'arrive pas à faire jouer mon mec avec une fellation. T'as bien fait de nous téléphoner. C'est ce que je me suis dit aussi. Je voudrais juste dire à mon patron que c'était un putain d'enculé, un putain de merde, il me casse, qu'on fèche. Ça fait du bien. Sans doute. C'est quoi ton truc? Ton forum. Pour chaque fille, dimanche au jeudi, 22h sur Europe 2 avec Bart. C'est Custoyer! Pour surfer cet été en toute tranquillité, j'ai un truc. Le pack sécurité haut débit de Club Internet qui réunit les services de sécurité et d'assistance. Pour en profiter comme moi, abonnez-vous à l'un des forfaits haut débit Club Internet en appelant le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition valable jusqu'au 24 août 2003. Club Internet, il est temps d'en demander plus à l'Internet. Au niveau steak caché, t'es tombé amoureux de la vache? Mathilde, tu vas me faire le plaisir de manger un peu de viande rouge, t'es toute pâle en ce moment. Ça n'a rien à voir, les femmes enceintes évitent le soleil. Ah bon, pourquoi? Parce que si t'étais dans mon état, tu verrais qu'il fait très chaud. Je ne peux pas être dans ton état. Du 23 juillet au 2 août, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 8 steaks cachés de 100 grammes pur bœuf Valtero, origine France, 15% de matière grasse, sont à 3,96€, soit 4,95€ le kilo, avec en plus 40 centimes de ticket Leclerc en monde d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mmh. Ah mais tu parles parfaitement le steak. Europe 2, un max de tubes avec Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, l'album, déjà 4 tubes. Mini Automobile. Chez Mini, c'est les vacances. Ah, c'est clair. Non, c'est net. Oui, chez Mini, pendant les vacances, c'est clair et net. 225 véhicules neufs. Neuf. Oui, neuf, en stock, à prix net. Et sur toute la gamme Peugeot. Des 106, 206, 307, 807 et même des 206 CC à prix net. Mini, la passion de l'automobile. Pendant les vacances, c'est clair et net, je vais chez Méni. Chez Méni, demandez. Nous trouvons Méni, votre concessionnaire Peugeot à Toul, par l'autoroute direction Paris, dernière sortie Toul, vos couleurs, puis première à droite vers Toul. Il n'y avait plus de soleil sur la ville. Et le vent nous glaçait le dos. Et tout le monde avait compris que c'était la fin des haricots. On s'enfermait comme des débiles. Et on rallumait les fourneaux. Chacun chez soi, c'est plus facile. Pour soigner son manque de chaud. On n'avait pas l'esprit tranquille. Et les chiens se moquaient de nous. Les clochards crevaient dans la nuit. Et l'abbé Pierre devenait fou. Si vos chiens l'hiver veulent sortir, c'est pas vraiment pour vous faire chier, mais pour vous montrer dans leur style votre manque d'humanité. Y aller. Y avait plus de soleil sur la ville. Et tout le monde devait comprendre. C'était la fin des haricots. On n'avait pas l'esprit tranquille. Et les chiens se moquaient de nous. Les clochards crevaient dans la nuit. Et la des pierres de velours. Yalul, yalul. Since we're feeling so unleashed the time in our comfort zone, reminds me of the second time. Thank you. was fast, crazy as a dog. I wish I could last as long as the gods. I wish I could be